Le marbre. Avant de m'étendre davantage sur ma passion, je voudrais apporter une remarque. Nous aurons noté qu'au tout début de mon récit, j'ai précisé « je suis sculpteur sur marbre ». Ce verbe « être », qui peut sembler péremptoire, définitif, n'est pas là par hasard. Il me permet de m'offrir, à moindre frais, une individualité. D'entrée, en effet, grâce à cette affirmation sans détour, l'observateur pense « Ah, Miloche est sculpteur sur marbre. Il a donc un métier. C'est un homme intégré dans la société. Un peu marginal, certes, car les artistes ont tendance à écrire dans les marges, mais quand même. Il s'inscrit dans une longue tradition qui remonte aux sculpteurs préhistoriques de Vénus à grosses fesses, en passant par les tailleurs de pierre du Moyen-Âge et par Rodin. Il est sculpteur, tout comme moi je suis tourneur-fraiseur. Qu'on veuille bien m'excuser de penser à la place de l'observateur susnommé, ce n'est que pour l'exemple. Vous, par exemple, n'êtes pas tourneur-fraiseur en ce moment, vous êtes lecteur. Plus tard dans la soirée, vous serez mangeur, peut-être buveur, fumeur, puis sans doute téléspectateur et dormeur. L'être humain n'est que la somme de différentes fonctions, un conglomérat d'instants mis les uns à la suite des autres. Tenez, une nuit j'étais chez Aimé. Là-bas, nous sommes tout le temps seuls, lui et moi. Une nuit, cependant, la cloche de la porte d'entrée avait retenti, car Aimé avait oublié de baisser le rideau métallique. C'était Nanette, un copain à lui, un barbu sujet aux insomnies, qui faisait un petit tour dans la rue. Le propriétaire de la roue qui file nous avait alors présenté. « Miloche, je te présente mon ami Nanette. Nanette, mon ami Miloche. Il est sculpteur sur marbre. C'est lui qui a fait les nuages dans ma vitrine. » Je n'avais pas nourri la conversation. J'ai du mal à trouver quelque chose à dire à un parfait inconnu, fut-il un ami d'Aimé. Poli, je lui avais dit « Bonsoir », en lui serrant la main, comme on fait dans ce genre de situation. Les deux amis avaient alors échangé quelques mots, puis le clocheton avait retenti quand Nanette s'en était allée. J'avais alors demandé à Aimé « Aimé, tu me considères vraiment comme un sculpteur ?» Devant son air ahuri, je lui avais servi ma petite réflexion. Nous avions ensuite échangé nos différents points de vue pendant quelques minutes, puis Aimé avait conclu la conversation par « Mon pauvre Miloche, tu n'es ni pédaleur, ni réparateur, ni parleur, ni serreur de main, ni observateur, ni rien de tout ça. Tu es ma boule, oui !» C'est la façon d'Aimé de terminer une conversation quand il en a assez, qu'il n'a plus rien à dire, ou qu'il n'en aime pas le sujet. Mais il avait raison, j'étais ma boule, comme chacun de nous à nos heures. Je referme la parenthèse. Je pratique donc la sculpture sur marbre, une de mes plus grandes passions. Étant donné le côté salissant de l'activité, rapport à la poussière qu'elle génère, je ne peux pas travailler dans mon salon. Aussi me suis-je aménagé un local à côté de la grange. C'est un espace d'environ 3 mètres sur 5, percé d'une fenêtre sur un mur, d'une lucarne sur le toit. J'ai tout bâti moi-même grâce à du matériel récupéré dans le lieu étrange, les nuits où je ne trouvais pas de vélo. J'ai même placé une porte. Elle ferme grâce à une grosse clé en bronze qui se trouvait encore dans sa serrure, à l'intérieur de la benne. Sur le mur de mon atelier, j'ai fixé une planche sur laquelle j'ai dessiné les formes de mes outils, planté des clous pour les suspendre. J'y range des équerres, des pinces, des tenailles, des scies, des clés, des tournevis que j'utilise pour réparer les vélos ou des petites choses dans la maison. J'y suspends également mes outils de sculpteur. Ciseaux, gradines, marteaux, pointes, râpes. J'ai construit un établi très solide sur lequel j'ai vissé un étau à sa mesure. Un plateau tournant, que j'ai confectionné avec un moyeu de tracteur, une grosse planche et quelques tiges de fer soudées, me sert de support pour la taille du marbre. J'ai soudé des roulettes à la base pour pouvoir travailler dehors quand il fait beau sans avoir à tout soulever. Je porte des lunettes quand je sculpte pour ne pas prendre des petits éclats dans les yeux. En effet, le marbre est une pierre très sèche. Quand on tape dessus, il s'en détache des morceaux fort coupants qui peuvent endommager la cornée ou passer sous la paupière. On peut même perdre un œil à cause d'une blessure mal guérie. Je tiens trop à la vie en relief pour prendre ce risque. En revanche, je n'ai pas trouvé la solution pour éviter les éclats de marbre sur le visage. J'ai constaté dans mes lectures que la plupart des sculpteurs, de Phidias à Bourdelle en passant par Michel-Ange, affectionnaient le port de la barbe. J'ai donc dans un premier temps imaginé que, comme dans une confrérie, les modeleurs de pierre tenaient à se reconnaître par un signe distinctif, une sorte de badge poilu, viril s'il en est, qu'il n'aurait pas eu à ôter même sous la douche. Après réflexion, la vérité m'est apparue bien plus prosaïque. Les poils de la barbe retenant les éclats de marbre taillants, ils empêchent toute blessure sur les joues. Je l'ai compris en pratiquant, mais aussi en regardant, il y a très longtemps, un petit film muet tourné par Sacha Guitry dans l'atelier de Rodin. Le maître, tour à tour, sculptait un bloc de marbre et parlait à la caméra de ses yeux coquins. C'était très émouvant. Sa barbe était constellée de petits éclats qui n'avaient pas pu finir leur course jusqu'à la peau fragile des joues d'Auguste. Le sourire aux lèvres, en mangeant le sculpteur des yeux, j'avais alors eu le déclic. Malheureusement pour mes joues, j'aime être rasé de près. Le marbre que je travaille habituellement est d'une couleur très changeante. Le plus souvent incarnat et gris, il peut prendre aussi des teintes jaunâtres, vertes ou encore rouge foncé taché de cercles clairs, ce qui le fait alors ressembler à un panier de cerises fossilisées prises au piège du temps. Il m'a même été donné un matin de tomber sur un bloc d'un gris très pâle, lacéré de jaune. Tous ces marbres proviennent d'une seule et même carrière. Quand je découvre un bloc d'une couleur inhabituelle, je le garde longtemps chez moi. Je tourne régulièrement autour, je réfléchis avec soin à la forme qu'il pourrait engendrer. Je le laisse de côté, je reviens, mais jamais je ne l'oublie. C'est que je ne veux pas d'agir à la légère pour ensuite être obligé de répudier une forme inaboutie dans un marbre d'une couleur que je ne retrouverai peut-être jamais plus. Ainsi, sur une des étagères de mon atelier, trône un bloc depuis plusieurs années. Il est si beau que je n'ai jamais eu le cran de l'attaquer. Je crois que je vais le laisser à l'état brut. Je ne pourrai jamais en tirer une forme plus parfaite que celle qu'il a déjà. On me dira que je tombe dans la facilité. Mais la nature modèle parfois les choses avec un art si consommé de l'esthétique qu'il serait sacrilège d'en vouloir modifier ne serait-ce qu'un détail. Quand je me mets à quatre pattes, bouche grande ouverte, pour observer une fleur ou un papillon, je suis abasourdi par le talent des autres. Je me couche alors sur le dos, en proie à un bonheur quelque peu jaloux, mélange d'extase et d'impuissance. Le petit bloc de marbre sur mon étagère est une fleur, un papillon. Dois-je prendre le risque de lui sectionner un pétale ou une aile sur un coup de ciseau maladroit ?